Chapitre 13. Herminie, dit mystérieusement Brun à sa femme en rentrant de son bureau, je crois qu'il y a du nouveau. Les yeux de Madame Brun s'agrandirent et brillèrent de joie. Le nouveau était ce qu'elle aimait le mieux au monde. Mais c'est un secret, Herminie. Je te le dis parce que c'est toi, n'en parle à personne. C'est sérieux cette fois. Me donnes-tu de ta parole d'honneur? La langue démangeait terriblement à Madame Brun au cours de sa vie journalière. Mais c'était une honnête femme, et quand elle avait donné sa parole, elle la tenait toujours. Seulement, elle n'aimait pas à la donner. Cette fois, comme le nouveau paraissait très affriolant, elle se décida non sans peine. « C'est donc nécessaire ? » ?»« Alors je te donne ma parole, que je n'en soufflerai moi à personne. »« Eh bien ?» Marcel jeta un regard du côté de la porte qui était fermée, et du côté de la fenêtre qui était ouverte, mais qui donnait sur un jardin, où les oiseaux seuls pouvaient l'entendre. Juste André a demandé à régulariser sa position. On fait une enquête. Une enquête ? S'écria inconsidérément Herménie. Pourquoi faire ? Pour faire constater officiellement qu'il est veuf. Eh bien, à quoi ça lui servira-t-il ? Si les époux avaient été moins préoccupés de leur entretien, ils auraient entendu une respiration soigneusement retenue derrière la porte si bien fermée. À se remarier, s'il en est pris d'envie. Herménie grogna intérieurement, mais ne dit rien. Elle avait eu envie de remarier André. Il pouvait bien avoir envie de se remarier lui-même. Et puis, continua Marcel, il est toujours meilleur dans tous les cas d'avoir une situation normale, un état civil régulier. C'est un soin qu'on néglige souvent. On a tort. Eh bien, qu'est-ce qui en arrivera de son enquête ? Demanda Madame Brun. On constatera la disparition de Madame Rose, et comme personne n'était intéressé à la faire disparaître, on conclura qu'il y a eu accident ou suicide. Le corps a été peut-être retrouvé. Comment retrouvé ? S'écria Herménie. Il avait donc été perdu ? Brun s'aperçut alors que son besoin de confidence l'entraînait beaucoup plus loin qu'il n'avait pensé. Mais il était trop tard pour reculer, et d'ailleurs ce secret sera bientôt connu de tout le monde. Il apprit donc à Madame Brun la mort tragique et mystérieuse de Rose, ainsi qu'André l'avait raconté, en demandant lui-même que la clarté se fît sur cette triste affaire. « C'est bien fait !» s'écria Madame Brun. « Cette fille-là ne devait pas mourir comme une chrétienne, ça n'aurait pas été juste !» Un léger craquement se fit entendre dans le plancher du corridor. « Où est Brigitte ?» demanda Marcel, soudainement alarmé. « Dans la cuisine !» Brun ouvrit la porte, mais avant qu'il eût le temps d'arriver jusque-là, la petite nièce était déjà dans la cuisine, fort occupée en apparence à écosser des petits pois. « Je ne voudrais pas qu'elle eût connaissance de ce que je viens de te raconter. » dit-il à la vaillante Herménie. « Cette petite fille ne me dit rien de bon. Je la crois sournoise et peut-être méchante à l'occasion. » Madame Brun haussa les épaules. « Tu te fais des monstres de tout, » dit-elle à son mari. « Elle est douce comme un agneau. » Marcel n'était pas convaincu, mais il savait combien les discussions avec sa femme étaient superflues. Il se tut et, profitant de ce silence, elle se mit à commenter la mort de Rose. « Eh bien, » déclara-t-elle pour en finir, « j'en suis pour ce que j'ai dit, c'est bien fait, je dirais même plus. Ce pauvre garçon qu'elle a blessé, il avait le droit de la tuer. S'il en avait usé, je répéterai encore, c'est bien fait. »« Herménie, je t'en supplie, tais-toi !» s'écria Marcel épouvanté. « Avec des paroles comme celle-là, tu pourrais envoyer André en prison. »« En prison !» grommela Herménie. « Voilà ce qu'il faudrait voir. »« Je sais bien que nos jurés n'ont pas plus de bon sens que les autres. Mais quand un homme a une femme comme celle-là, il a bien le droit de s'en débarrasser. » Ou bien c'est dire qu'il n'y aura plus de justice en ce monde. Les raisonnements de Madame Brun étaient à peu près tous de cette force, et Brun ne se mêlait pas souvent à les contredire. Cette fois, il ne s'y risqua pas davantage, mais il le prit d'un peu plus haut, un homme qui veut être obéi et qui prétend ne pas encourir la responsabilité de discours par trop compromettant. La nouveauté de cette conduite étonna tellement Herménie qu'elle finit par garder le silence et fit ses autres réflexions dans le secret de ses propres jugements. Marcel craignait cependant que Brigitte n'eût entendu quelques paroles imprudentes. Plusieurs fois, dans le courant de la soirée, il glissa incidemment des allusions cachées qui, pensait-il, provoqueraient chez la jeune fille un geste révélateur. Elle fut impassible, levant à peine ses yeux noirs et brillants pour répondre quand on l'interrogeait directement. « Je la trouve changée, » dit Marcel à sa femme quand ils furent seuls dans leur chambre, « mais ce n'est pas à son avantage. »« Pauvre petite, » répondit Herménie. Il se pourrait qu'elle eût du chagrin d'avoir vu manquer son mariage avec ton ingénieur. Aussi, insinua Marcel, Quelle imprudence de parler de mariage à cet enfant quand il y avait si peu de probabilité pour que ton plan réussisse. S'il avait réussi, tu n'aurais que des compliments à me faire, rétorqua son épouse. Et il pouvait réussir puisque tu disais tantôt que tout le remue-ménage que fait maintenant ce beau monsieur, c'est pour aboutir à se remarier quand la fantaisie lui en prendra. À cela, il n'y avait rien à répondre, aussi Brun ne répondit pas.